Oh là là, je suis crevée. J'ai trop de boulot en ce moment. Tu veux aller au ciné pour te changer les idées? Oh non, j'ai pas envie. Je préfère une soirée cool. Un resto alors? Ça te dit? On peut aller à la Brasserie Lest, on y mange bien. Oui, la cuisine est super bonne, mais c'est trop bruyant. Et le service... Je trouve les serveurs pressés, stressés. Les tables sont trop proches. J'aime pas être serrée. Ok. Il te faut un endroit calme, agréable. La Brasserie Le Nord, ça te tente? Ah oui, pourquoi pas, c'est sympa. Et là, au moins, l'accueil est chaleureux. Super, j'appelle pour réserver.